dans l'apprentissage de la fuite, il y a certains aspects à traiter. Hein, donc, on a vu l'aspect psychologique. Donc, ça veut dire aussi qu'à un moment, on est capable de se dire, donc d'évaluer. Quand on dit qu'on peut évaluer, ça veut dire qu'on a encore la possibilité cérébrale de le faire. C'est avoir son image de soi inversée, en plus. Puisque si on se regarde dans un miroir, c'est son visage inversé. Entrer dans le lieu que tu n'atteins pas, s'immiscer parmi les invités, dans les salons, les débats, les théâtres et même les cimetières.